Ndiko Manyanga. Séraphine Hakizimana est de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue à ce journal et donc voici d'abord le sommaire. Le président du Sénat burundais invite les leaders politiques à mettre sur la liste bloquée des hommes et femmes crédibles et intègres lors des prochaines élections afin de permettre le développement durable du pays. Il a tenu ses propos ce jeudi à Gitega dans un atelier sur les enseignements relatifs au leadership organisé par International Christian Ministry. Certains propriétaires de véhicules et motos de la province Ngozi se lamentent comme quoi ils ne reçoivent plus de messages dans leur téléphone donnant accès à l'approvisionnement carburant à la station. Ils disent qu'ils n'ont reçu que celui du premier jour de leur entrée dans l'application Gitoro Pass. 357 pagnes fraudées et 50 kilos de chanvre indien ont été saisis par la marine burundaise positionnée dans la ville de Rumonge vers 19h de ce mercredi. Les présumés auteurs de cette fraude, deux hommes habitant la ville de Rumonge, ont été arrêtés à bord d'un bateau dans les eaux du lac Tanganyika. Bienvenue à ce journal. Bienvenue à cette édition. Le président du Sénat burundais invite les leaders politiques à mettre sur les listes bloquées des hommes et femmes crédibles et intègres lors des prochaines élections afin de permettre le développement durable du pays. Il a tenu ses propos ce jeudi à Gitega dans un atelier sur les enseignements relatifs au leadership organisé par le ministère chrétien international via son programme global Leadership Summit à l'intention de plus de 1000 leaders venus de toutes les catégories sociales. Le coordinateur de ICM dit que plus de 30 000 personnes ont déjà bénéficié de tels enseignements et que beaucoup en bénéficieront avant que les élections ne se tiennent. Quant au conseiller juridique du gouverneur de Gitega, ces enseignements viennent au point nommé du moment qui se donne à la veille des élections. Le détail avec Djirani Wikita. Le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, a dans son discours invité les leaders politiques à songer à mettre sur la liste bloquée des candidats qui se feront élire lors des prochaines élections les hommes et femmes crédibles et intègres, car si sont élus les personnes pareilles, le développement durable du pays sera atteint et consécutivement la vision d'un Burundi émergeant en 2040 et développée en 2060 se réaliserait facilement. Cela parce que la crédibilité et l'intégrité sont d'une grande importance pour tout développement durable. Prenant la parole, le conseiller juridique du gouverneur de Gitega, Arthur Nyonsaba, fait savoir que de tels enseignements viennent au point nommé du fait qu'ils se tiennent à la veille des élections et espère qu'ils auraient un impact positif sur l'organisation et le déroulement de ces élections dans la crédibilité effective. Quant à lui, le coordinateur de International Christian Ministry, ICM, ou Ministère Chrétien International, Isaïe Nshimirimana, a dans son allocution indiqué que dans tout le pays, plus de 30 000 leaders venus des catégories sociales différentes, dont l'administration, la police et les établissements de l'enseignement secondaire et supérieur ont déjà suivi ces enseignements sur le leadership via le programme Global Leadership Summit, qui est un programme d'enseignement du leadership. Cet atelier sur les enseignements du leadership a vu la participation de plus de 1000 personnes, leaders venus des catégories sociales différentes, et durera 2 jours. Et le coordinateur de ICM mentionnait que d'autres les enseignements concerneront aussi les associations, les entreprises, les sociétés et les commerçants et les hommes d'affaires privés. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isangani. La femme burundaise a besoin d'une certaine mobilisation pour qu'elle se sente interpellée au processus électoral comme les hommes. C'est du moins ce qu'indique Christine Mboningingo, présidente de l'initiative Parité au Burundi d'ici 2030. Elle est confiante que s'il y a volonté de la part de l'autorité, cette parité est possible. De leur côté, les organisations engagées dans cette initiative promettent de soutenir la femme pour qu'elle ait des facilités à se faire élire. Suivez Christine Boningingo. Nous avons trois principaux objectifs. Le premier, c'est de mobiliser la femme burundaise, quelle que soit son ethnie, quelle que soit l'appartenance au parti, quelle que soit sa position sociale, de sentir qu'elle est interpellée pour participer au processus électoral comme électrice, mais aussi comme candidate aux élections. Parce que, in fine, on voudrait que les femmes soient elles-mêmes les bâtisseuses de leur statut, parce qu'on voudrait qu'en 2030, le Burundi puisse montrer aux autres pays un modèle de parité, sans forcément avoir une loi sur la parité, avoir 50% de femmes et 50% d'hommes aux commandes de ce pays. Notre autre objectif, c'est vraiment de contribuer à la réalisation de la stratégie nationale qui vise la parité. Nous avons un autre objectif, c'est de suivre la mise en œuvre de la réalisation des objectifs du développement durable. Parce que nous sommes un peu perplexes. Depuis 2000, les nations du monde se réunissent chaque année pour évaluer les décisions prises pour le développement de notre planète. Mais on se rend compte qu'on est toujours dans la pauvreté, on doit affronter différentes maladies, l'égalité des genres n'est pas encore une réalité. Et donc, on va suivre ça aussi pour voir qu'est-ce qui empêche les pays à émerger. On va passer par plusieurs stratégies. Certaines sont déjà convenues, d'autres sont à monter. D'une part, on va garder la femme très informée sur le processus électoral, parce que le processus électoral est une opportunité en or pour accélérer les choses. Et l'autre stratégie, on va quand même rester en dialogue avec l'autorité. On va informer l'autorité aussi de ce qui se passe, des demandes des femmes, on va leur montrer ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait accélérer. On va essayer de sensibiliser les décideurs, ceux qui ont les rênes du pouvoir, de voir comment accélérer les choses, parce qu'ils ont la main. La femme voudrait bien que les choses soient accélérées, mais non pas la main. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page commerce à présent, certains propriétaires de véhicules et motos de la province Ngozi se lamentent comme quoi ils ne reçoivent plus de messages dans leur téléphone donnant accès à l'approvisionnement en carburant à la station. Ils disent qu'ils n'ont reçu que celui du premier jour de leur entrée dans l'application Gitoro Pass, d'où ces habitants d'Ngozi demandent à la société pétrolière du Burundi de tout faire pour qu'ils soient approvisionnés, car certains parmi eux disent qu'ils ont garé leur véhicule et n'ont plus de quoi nourrir leur famille pour le moment. Les détails avec Apollinaire Muzagara. Parmi ces habitants d'Ngozi qui grognent figurent ceux qui viennent de passer un mois sans message indiquant le quota de carburant leur destiné, alors qu'ils devraient en avoir chaque semaine. Plus d'un disent qu'ils n'ont eu que le seul message lors de l'entrée dans l'application Igitoro Pass, mais en vain jusqu'aujourd'hui. Ils déplorent que leurs véhicules et motos sont garés à la maison depuis Belurette, alors qu'ils s'en servaient pour le transport rémunérant ou dans l'acheminement de leurs enfants à l'école. Ces citoyens demandent par conséquent à la société pétrolière du Burundi plus d'efforts pour trouver remède à ce problème avant qu'ils ne meurent d'offre. Certains qui en sont capables achètent actuellement l'essence au marché noir à 18 000 ou 22 000 francs pour le litre et demi d'essence. Ces habitants d'Ngozi proposent même la mise en place d'une antenne provinciale de la société pétrolière du Burundi pour avoir quelqu'un à qui faire recours. Nous avons contacté par téléphone le directeur général de la SOPEBU. Son téléphone sonnait, mais personne ne décroche. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Ngozi, rendons-nous à Burundi où une amende de 500 000 francs burundais a été infligée ce mercredi à un commerçant de boissons de la Braloudi, œuvrant dans la localité de Taba, en commune et province Bururi. Selon les sources sur place, ce commerçant transportait les boissons destinées à cette localité pour les vendre dans d'autres localités éloignées où une bouteille de la boisson Amstel, 65 centilitres, s'achète à un prix variant entre 4 500 et 5 000 francs burundais. Au moment où les consommateurs de ces produits au chef-lieu de la province Bururi grogne que de tels cas de spéculation provoquant des pénuries s'observe chez certains commerçants. Félix Niungabo, l'administrateur de la commune Bururi, appelle les administratifs à la base, la police et les consommateurs de ces boissons à les dénoncer pour qu'ils soient punis. Les détails avec Zeno Nzambiman. Ce commerçant a été dénoncé par les habitants d'Ottawa en commune et province de Bururi qui grognaient depuis quelques temps suite au cas de spéculation observé chez lui autour des boissons de la Bralodi. Toutes les boissons destinées à la localité d'Ottawa sont toujours envoyées par ce commerçant vers d'autres localités éloignées où une bouteille d'Amstel 65 centilitres s'achète à un prix variant entre 4500 et 5000 francs burundais et la boisson Primus à un prix variant entre 3000 et 4000 francs burundais, une bouteille de 72 centilitres, ce qui est à l'origine de la pénurie répétitive de ces boissons dans cette localité, dénoncent les habitants d'Ottawa. Ces derniers disent que toutes les boissons que ce commerçant venait d'envoyer ce lundi en commune de Songa ont été consommées au prix connu par force à tabac par les habitants de cette localité, emportés par la colère. L'administrateur de la commune de Bururi qui confirme toutes ces informations fait savoir qu'une amende de 500 000 francs burundais a été infligée à ce commerçant pour ces cas de spéculation. Au moment où les consommateurs de ces boissons de la Bralodi dénoncent également ces cas de spéculation chez certains commerçants au chef-lieu de la province de Bururi, ce qui est à l'origine également de la pénurie de ces produits, Félix Niongabo, l'administrateur de la commune de Bururi, appelle les administratifs à la base, la police et les consommateurs des boissons de la Bralodi à travailler en synergie pour éradiquer ces cas de spéculation autour des boissons de la Bralodi, car même les localités éloignées du chef-lieu de la province de Bururi sont aujourd'hui servies à partir du méga Bururi. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Page Société, la province de Kirundo compte plusieurs organisations, dont cette qui travaille dans le domaine de lutte contre les violences faites aux femmes, qui s'observe toujours dans les communes Nega et Boussoni. Certaines femmes de la colline Nyakisuzi, commune Boussoni, apprécient les activités de ces organisations et d'autres disent qu'elles ne le connaissent pas sur leur colline. L'administration provinciale de Kirundo signale qu'il y a bonne collaboration et ces organisations ont beaucoup contribué pour aider les foyers à bien cohabiter en luttant contre ces violences faites aux femmes. Le reportage est signé Jean-Marie Mayonk. Certaines femmes de la colline Nyagisozi, commune Boussoni, province Kirundo, disent que les associations qui militent dans la lutte contre les violences basées sur le genre existent dans cette province, mais ne sont pas visibles sur toutes les collines, raison pour laquelle les femmes qui ont subi de ces violences dans les ménages ne sont pas toutes assistées par ces organisations. Des associations existent et aident, mais pas pour toutes les femmes. Si je regarde comment elles travaillent, on pourrait dire qu'elles sélectionnent. Si tu les approches pour présenter les problèmes, des fois, elles t'écoutent et s'adressent aux autorités collinaires pour que ton cas soit traité et c'est fini. Et chef collinaire, si tu n'as rien à donner, il ne te donne pas du tout du temps pour traiter ton affaire. Elle demande la multiplication de ces associations afin que toutes les femmes victimes de violences basées sur le genre bénéficient des aides. Certaines représentantes légales de ces associations signalent que le manque de moyens de déplacement reste une entrave pour pouvoir arriver et visiter toutes les collines où se parle de ces violences. Nous organisons des descentes pour visiter les collines afin de pouvoir mener des échanges avec les femmes. Mais les moyens de déplacement perturbent nos activités, raison pour laquelle nous ne pouvons pas visiter toutes les collines. Eric Douayez, chef de cabinet du gouverneur de la province de Kirundo, dit que ces organisations ont beaucoup aidé dans la lutte contre les violences basées sur le genre, précise que l'administration travaille en étroite collaboration avec ces organisations. Vous trouvez qu'elles ont changé de mentalité, premièrement, mais aussi au niveau de l'hygiène et assainissement. Ça donne beaucoup plus de résultats. Les femmes ont changé et les travaillent d'arrache-pied pour pouvoir s'autodévelopper et par conséquent, développer les ménages, pourquoi pas le pays et la province. C'est-à-dire que nos partenaires en ce qui est le volet lutte contre les violences basées sur le genre. On a vu que ça donne beaucoup plus de résultats parce que, et aussi, ils travaillent en étroite collaboration avec l'administration provinciale. Nous orientons leurs actions. Il y a aussi des réunions de coordination. Nos partenaires techniques en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, ce volet vraiment, nous apprécions le pas déjà franchi. Ces associations qui militent pour la défense des droits de la femme et surtout dans la lutte contre les violences basées sur le genre demandent un soutien du gouvernement pour bien mener leurs activités dans différentes collines de cette province. Dernier dossier de ce journal, 357 pagnes fraudées et 50 kilos de chanvre indien ont été saisis par la marine burundaise positionnée dans la ville de Rumonge vers 19h de ce mercredi. Les présumés auteurs de cette fraude, deux hommes habitant la ville de Rumonge, ont été arrêtés à bord d'un bateau à Pagué dans les eaux du lac Tanganyika, côté embouchure de la rivière Dama, en provenance de la République démocratique du Congo. Alors que les présumés auteurs de cette fraude attendent d'être jugés, Audace Mokeshimana, conseiller de l'administrateur communal de Rumonge, ayant les questions juridiques dans ses attributions, appelle les commerçants de Rumonge à travailler dans la légalité, n'est-ce pas Jean-Pierre Misako? C'est lors d'une patrouille ordinaire de la marine burundaise positionnée dans la ville de Rumonge que ces 357 pagnes et 50 kilos de chanvre indien ont été saisis dans le lac Tanganyika aux portes de la ville de Rumonge, côté embouchure de la rivière Dama, selon des sources militaires et policières à Rumonge. Deux hommes se réclamant habitants de l'un des quartiers de la ville de Rumonge les importaient clandestinement à partir de la République démocratique du Congo, selon leur dire. Après rapport de saisie de l'avant-midi de ce jeudi, ces pagnes ont été remis à l'Office burundais des recettes antenne provinciale de Rumonge. Quant aux deux présumés fraudeurs, un dossier judiciaire est à confectionner pour qu'ils soient traduits en justice selon la police de Rumonge. Audace Mukeshimana, conseiller de l'administrateur communal de Rumonge, chargé des questions politiques, administratives, juridiques et sociales, appelle les commerçants trempant encore dans la fraude d'y renoncer et rentrer dans la légalité pour leur propre intérêt et celui du pays. Tout en saluant cette opération de la marine burundaise, Audace Mukeshimana appelle à la dénonciation de toute fraude. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel. Le président du Sénat invite les leaders politiques à mettre sur les listes bloquées des hommes et femmes crédibles intégrés lors des prochaines élections afin de permettre le développement durable du pays. Il a tenu ses propos ce jeudi à Gitega dans un atelier sur les enseignements relatifs au leadership organisé par International Christian Ministry, une information que nous devons à notre confrère Gérard Nibikila. Certains propriétaires de véhicules et motos de la province Ngozi se lamentent comme quoi ils ne reçoivent plus de messages dans leur téléphone donnant accès à l'approvisionnement carburant à la station. Ils disent qu'ils n'ont reçu que celui du premier jour de leur entrée dans l'application Guitoropass. 357 pagnes fraudées et 50 kilos de chanvre indien ont été saisis par la marine burundaise positionnée dans la ville de Rumonge vers 19h de ce mercredi. Le présumé auteur de cette fraude, deux hommes habitant la ville de Rumonge, ont été arrêtés à bord d'un bateau à Pagué dans les eaux du lac Tanganyika. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à Séraphine Akizimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite des programmes sur Isanganiro.